En cette fin d'année, je vous propose une success story, un roman biblique digne des coups de théâtre d'Alexandre Dumas, une histoire d'exil réussie, analysée et commentée par Thomas Römer. Nous rediffusons son cours « La Bible et l'Égypte, l'histoire de Joseph ». Un professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. De professeur, il n'y a d'autre activité que de chercher et de parler. Je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, convié au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit pluridisciplinaire. Que penser des deux rêves de toute puissance du jeune berger Joseph ? Thomas Römer, titulaire de la chaire des milieux bibliques, poursuit son exploration du roman de Joseph, cette histoire singulière de la Genèse entre ascension et chute, entre gloire et déshonneur, de la région de Sichem au royaume de Pharaon. L'exégète philologue d'origine allemande rappelle l'importance des rêves dans la culture du Proche-Orient, mais aussi dans cette première partie de l'histoire de Joseph. Le jeune homme raconte qu'il a vu dans un premier songe des gerbes se prosterner devant sa gerbe et dans un deuxième songe, plus audacieux, les astres du soleil à la lune et aux étoiles se prosterner à leur tour devant lui. Ce sont ces rêves de domination qui vont fouetter la jalousie et la haine de ses 11 frères envers le fils préféré de Jacob. Dès lors se pose la question, peut-on tuer le maître des rêves ? Joseph est jeté dans une citerne avant d'être vendu par ses frères comme esclave à des marchands de passage. Ainsi s'ouvre le chemin vers l'Égypte, tandis que la jolie tunique offerte par Jacob, et qui le distinguait, est déchirée et couverte de sang pour dissimuler le forfait au père et faire croire à l'attaque d'une bête féroce. Dans cette histoire de Joseph, selon sa méthode historico-critique, Thomas Römer s'attache aux signes, aux mots et aux objets clés. Et il montre comment les vêtements du jeune homme jouent aussi comme instrument de gloire et de chute de cet épisode à celui de Madame Potiphar demain. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours de Thomas Römer intitulé « L'Égypte et la Bible, les songes de Joseph et sa descente en Égypte, Genèse chapitre 37, le 10 mars 2016 ». Dans le Proche-Orient ancien et en Égypte, le songe est considéré comme une sorte de zone de rencontre entre le divin et l'humain. Donc, si vous rêvez, a priori, vous prenez ça au sérieux. Vous ne dites pas « Ah, c'est qu'un rêve ». Et évidemment, il est important de pouvoir interpréter les rêves. Donc, vous avez en Égypte, comme dans le Proche-Orient ancien, vous avez des manuels d'interprétation de rêves. Donc on vous dit, si vous rêvez ceci et cela, ça signifie ceci et cela. Donc il ne faut pas attendre le 19e ou le 20e siècle, il ne faut pas attendre Freud pour l'interprétation des songes. Vous avez déjà des spécialistes, des oniromanciens, qui sont en fait un peu les psychanalystes ou les psychologues de l'époque. Alors, si on prend les rêves de Joseph, a priori, on peut se dire, ce sont des rêves assez clairs, parce qu'il n'y a personne qui a besoin en fait d'interprète, les frères et puis le père comprend assez vite. Freud dirait sans doute, ce sont des rêves de toute puissance, surtout le premier, avec tout un symbolique de l'érection, etc. Mais je ne veux pas entrer dans ces détails-là. On va tout de suite regarder ce premier songe. Donc, on a déjà traduit donc cette histoire des gerbes au milieu du champ, donc qui se dressent c'est-à-dire la gerbe de Joseph qui se dresse et les gerbes des frères se prosternent devant la sienne. Donc la manière dont Joseph raconte cela est tout à fait comparable à ce que on peut appeler des annonces de rêve. Donc il y a toute une littérature en Mésopotamie qui va de l'époque sumérienne jusqu'à l'époque néo-babylonienne, analysé par Annette Exol et qui trouve toujours un peu le même schéma. Quelqu'un dit « voici, je fais un rêve, voici cela et cela ». Et puis, parfois, on donne l'interprétation comme ici, c'est le cas des frères. Alors, on avait d'abord vu que Joseph et ses frères, c'était des bergers, mais le premier rêve, en fait, va se situer plutôt dans un contexte agricole. Bon, c'est pas une contradiction, puisque les bergers peuvent aussi avoir des occupations d'agriculteurs. Ça commence d'une manière assez courante, donc au moment de la moisson, on lit des gerbes, mais évidemment la deuxième partie du songe est un peu curieuse, donc là on arrive à une description moins réaliste. Voilà les gerbes des frères qui entourent la gerbe de Joseph et surtout se prosternent devant lui, disons devant sa gerbe. Alors le verbe se prosterner est un verbe tout à fait précis, hishtaravé en hébreu, donc c'est un acte de prosternation qu'on effectue devant un dieu ou devant un roi. Et donc on touche vraiment avec le nez la terre, c'est pour cela on dit parfois se prosterner le nez contre terre. On reste parfois agenouillé, mais la tête va toucher la terre. C'est un peu ce que fait le pape aujourd'hui quand il sort de l'avion. C'est un peu ce geste-là. Alors, les frères comprennent tout de suite en posant une question. Mais là, on va en faire la subtilité de la narration, parce que les frères lui disent « Est-ce que tu seras roi sur nous et est-ce que tu nous domineras ?» Alors, on peut dire, c'est typiquement une explication en parallèle, être roi et dominer. Mais si on regarde bien les termes, on voit que l'interprétation des frères, est-ce qu'elle va se réaliser entièrement ? Elle ne va pas se réaliser entièrement. Puisque Joseph ne deviendra pas roi, Meller, il ne deviendra pas roi. Par contre, il dominera. La racine Machal sera en effet utilisée lorsque Joseph domine l'Égypte et lorsque ses frères se prosterneront devant lui. Donc les frères vont bien se prosterner devant lui. Il va dominer, mais il ne deviendra pas roi. C'est ça la différence. Donc, un rêve qui est, disons, à moitié interprété par les frères. Le second rêve, il est encore plus fort. Le soleil, la lune et les 11 étoiles étaient en train de se prosterner devant moi, dit Joseph. Alors là, on va vraiment très fort. Pourquoi ? Parce que les astres appartiennent au monde des dieux. Donc tous les astres importants sont identifiés à des dieux, que ce soit en Égypte ou que ce soit en Mésopotamie. Le problème maintenant, c'est comment faut-il interpréter exactement ce rêve ? Est-ce qu'il faut dire, et ça c'est l'interprétation en effet, que Jacob va faire ? Est-ce que ça veut dire que le soleil et la lune, c'est le père et la mère? Et puis, les 11 étoiles, c'est les frères de Joseph. Ça pose plusieurs problèmes. D'abord, il faut imaginer, donc du coup, Benjamin va déjà faire partie de ces 11, alors qu'il est quand même de beaucoup le cadet. Mais bon, c'est dans le monde du rêve, tout est possible. Ce qui, par contre, est plus difficile, c'est la question du soleil et de la lune. En français, ça va très bien. En allemand, c'est différent. Et bon, voilà, toutes les langues ont un peu leur particularité. Si on regarde en Égypte et en Mésopotamie, le soleil en Égypte, Ra ou Shamash en Mésopotamie, sont masculins. Idem pour la lune, Thoth et Sin. Quand on regarde à Ougarit, c'est le soleil, Chapchou, qui est féminin, et la lune est masculin. Mais du coup, aussi, ça pose un problème, parce que si on suit ce que dit Jacob, donc le soleil devrait être, en effet, l'élément masculin, la lune, l'élément féminin. En hébreu, alors quelqu'un m'a fait remarquer la semaine dernière que Shemesh était féminin, mais pas toujours, c'est-à-dire en hébreu moderne vie, en hébreu classique, c'est à la fois masculin et féminin. C'est un peu entre le monde mésopotamien et Ougarit, si vous voulez. Et Yareach, par contre, la lune, est masculin. Donc on n'a pour le moment pas vraiment d'éléments mythologiques qui marcheraient. Le seul, à mon avis, où ça peut marcher, mais ça donnera peut-être aussi une indication quant à la datation de l'histoire de Joseph, c'est la Grèce. Puisque Hélios, c'est le soleil, et Séléné, la lune. Donc si c'est ça l'idée, ça voudrait dire en fait que l'auteur connaît déjà la mythologie grecque, et puis si on le situe à titre d'hypothèse en Égypte, ben, on sait qu'à partir du IVe siècle, l'Égypte était déjà très hellénisée. Hein, il y avait beaucoup de Grecs et on parlait de grec. C'est pas par hasard que on a traduit le Pentateuque en grec à Alexandrie, en Égypte. Donc peut-être c'est ainsi qu'il faut résoudre le mystère. L'autre élément un peu étonnant, c'est la présence de la mer. Benjamin, je vous ai déjà dit, mais la mer, si vous suivez la logique du livre de la Genèse, la mer, elle est déjà décédée, hein, Rachel. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, on n'a pas l'impression que Jacob a plusieurs mères dans l'histoire de Joseph. Hein. Donc, est-ce que la mère est encore supposée vivante, mais elle ne jouera pas de rôle très très important. C'est pour cela, certains ont dit, peut-être il ne faut pas prendre le rêve tel que Jacob l'interprète, et par exemple dire que les 13 astres qui se prosternent devant Joseph correspond aux 13 années que Joseph passe en Égypte avant qu'il fasse son ascension lorsqu'il rencontre le pharaon. Parce qu'on a appris déjà que Joseph avait 17 ans et la deuxième indication d'âge qui sera donnée dans l'histoire de Joseph, c'est les 30 ans lorsqu'il se trouve en face de pharaon. Donc c'est certainement pas un hasard non plus hein, qu'on passe de 17, 30, donc 13. Mais en même temps, on ne voit pas très bien les étoiles là-dedans. Ou, comme disent certains, peut-être ça reflète le zodiaque. Mais du coup, si c'était le cas, pourquoi alors le soleil et la lune? Si c'était les 11 étoiles plus l'étoile de Joseph, on aura pu dire cela. Donc je pense qu'il faut quand même rester dans l'interprétation de ce songe que donnera aussi Jacob. Mais à ce moment-là, on est vraiment dans un rêve plus que audacieux, puisque les astres sont donc, comme je vous ai dit, des divinités devant lesquelles même le roi doit se soumettre. Hein? Donc là, vous avez une statue du roi Sennacherib, qui, avec son doigt, en fait, il montre pas, c'est un geste de prière, en fait, chez les Assyriens. Et donc, il prie, donc, en direction des symboles du soleil, de la lune et des autres astres. Dans la Bible hébraïque, il y a souvent des mises en garde contre le culte des astres, donc ne va pas lever les yeux vers le ciel, regarder le soleil, la lune et les étoiles, donc exactement ce que Joseph rêve ici, et ne te prosterne pas devant eux. Hein? Alors que Joseph va dire exactement ce que dit aussi un texte très récent du livre de Néhémie, où dans la prière, on dit à Yahvé, c'est toi qui donnes la vie à tous, et l'armée des cieux, donc tous les astres, se prosternent devant toi. Alors, si on prend ce texte, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Joseph se met à la place de Dieu dans le rêve. Et nous allons voir que c'est quelque chose qui n'est pas si unique dans l'histoire de Joseph. Parce que lorsqu'il va se trouver devant Pharaon et interpréter les songes du Pharaon, il va dire à Pharaon, seul Dieu peut interpréter les rêves. Et puis il va les interpréter. Et puis, après Pharaon va lui demander conseil et Joseph va dire, suis-je à la place de Dieu ? Il va être à la place de Dieu parce qu'il va lui donner des conseils. Donc c'est quand même assez subtil, hein. Donc c'est pas juste un petit aspect à négliger. Au contraire, il y a là quelque chose d'assez assez fort sur ce rêve de toute puissance que Joseph fait et qui le poursuit quand même un peu aussi dans la suite. Un parallèle possible où quelqu'un d'autre puisse être comparé à Dieu. On le trouve dans une version du texte d'Aricar. Aricar, c'est un sage, probablement d'origine assyrienne, mais on a trouvé en fait plusieurs versions de ce texte qui à la fois raconte une histoire et qui contient aussi des proverbes. On a trouvé notamment un exemplaire de ces aventures à Éléphantine, justement en Égypte. Et dans la version syrienne, le roi Sennacharib est comparé au dieu du ciel qui va commander à la claire, au tonnerre, au soleil, la lune et les étoiles. Donc assez comparable à ce que nous avons ici. Donc certains auteurs pensent que c'est pas la peine que Joseph raconte deux rêves et ils pensent que le deuxième rêve ce soit une autre source ou un ajout. Mais je pense que c'est pas une interprétation qui s'impose. Au contraire, on a plutôt cette stratégie narrative de la surenchère parce que le deuxième rêve par rapport au premier, il dépasse le premier. Il inclut le père et la mère et puis il va encore beaucoup plus loin. Hein, il dit pas simplement l'acte de prosternation, il met Joseph d'une certaine manière à la place de Dieu. Et les deux rêves, à mon avis, préparent aussi les deux rêves de l'échancier de Panetier et puis aussi du Pharaon. Donc je ne pense pas qu'il faut considérer le deuxième rêve comme un ajout. C'est d'ailleurs le seul endroit, parce que le rêve est tellement fort, où Jacob crie en gueule d'une certaine manière son fils. C'est en effet le seul texte à la suite où en effet on voit que Jacob a une vision un peu critique de son fils, mais tout de suite on va dire que Jacob garde l'affaire, Shamar, il la garde parce qu'on ne sait jamais avec les rêves qu'ils peuvent se réaliser ou non. C'est un peu aussi comme les oracles des prophètes. Chez les Assyriens, on note tous les oracles, même s'ils sont très très inconfortables pour le roi, on va les noter quand même parce qu'on ne sait jamais. Peut-être il se réalise quand même. Et puis, pour les rêves, c'est un peu la même chose. En ce qui concerne la jalousie des frères, qui a déjà été commentée par le narrateur même avant les rêves, on peut encore citer peut-être un parallèle néo-assyrien dans un texte qui raconte comment Assarhaddon, qui veut succéder à son père, Sennacharib devient en effet aussi un peu le favori de son père. On a un peu la même réaction des frères où on trouve la racine qui noue, ils étaient jaloux. Hein. Et c'est exactement le cana qu'on trouve dans la Bible en Genèse 37. Et c'est pour cela l'assyriologue Eckhard Fram pense que peut-être l'auteur de Genèse 37, c'est un littéraire qui connaît pas seulement les classiques égyptiens, mais aussi quelques classiques néo-assyriens, ce qui est possible, mais le thème de la jalousie des frères, en même temps, c'est quand même aussi un thème assez répandu, donc je ne sais pas si on peut aller aussi loin. Maintenant, nous arrivons à cette transition curieuse, qui est très étonnante, et qui, voilà, a priori, on peut se dire, n'a pas grand-chose à faire dans cette histoire. Je vais d'abord vous la traduire. Les frères allaient faire paître le petit bétail de leur père à Sichem. Alors, si vous prenez le texte hébreu, vous avez avant le petit bétail un et qui est un marqueur du COD. Bon, vous pouvez dire, bon, on s'en fiche un peu, mais les massorettes qui ont vocalisé le texte ont mis 3 points au-dessus de ce et. Ça veut dire qu'ils étaient pas très. Qu'ils avaient un problème avec ce et. Seulement, il ne nous a jamais expliqué exactement pourquoi ils l'ont mis, mais le Midrash pense qu'il ne faut pas ici confondre le et, le COD, avec un autre particule qui veut dire exactement la même chose, qui s'écrit exactement de la même manière, mais qui veut dire avec. Donc, pour qu'on évite de lire les frères allaient paître avec le petit bétail, c'est-à-dire au fait qu'ils allaient manger comme le petit bétail. C'est possible, mais ça montre un peu la subtilité et la lecture massorétique. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne sont-ils pas en pâturage à Sichem ? Va, je t'envoie vers eux. » Et il lui dit, « Me voici. » Il lui dit, « Va donc, regarde le shalom, le bien-être de tes frères et le shalom, le bien-être du petit bétail, et fais-moi revenir un mot, donc donne-moi des nouvelles. » Il l'envoie, et c'est là où on est étonné, il l'envoya de la vallée de Hébron à Sichem. C'est pas à côté. Un homme le trouva. Voici qu'il errait dans la campagne, et l'homme lui demanda, « Que cherches-tu ?» Il dit, « Je suis en train de chercher mes frères. Indique-moi donc, où se trouvent-ils en pâturage ?» L'homme dit, « Ils ont décampé d'ici. J'ai entendu lorsqu'ils ont dit, « Allons à Dothan ou Dothian. » Joseph alla derrière ses frères, il les trouva à Dothan. » Pardon. Voilà, donc c'est un peu curieux cette histoire pour toutes sortes de raisons. Certains ont fait remarquer que le verset 12, en fait, reprend là où le verset 4 s'était arrêté, donc entre les rêves, puisqu'au verset 4, il était dit que les frères ne pouvaient plus parler à Joseph en shalom à cause de la tunique. Et maintenant, Jacob lui dit, « Va voir le shalom de tes frères. » Donc, c'est pour cela que certains pensent qu'on pourra lire le verset 12 à la suite du 4 et considérer les songes comme une digression possible, mais à mon avis, une digression tout à fait nécessaire et voulue par l'auteur. Donc, c'est clair qu'il y a une allusion au verset 4, mais je pense que cette allusion, en fait, encadre l'histoire des rêves. La réponse de Joseph, « Hineni, me voici », bah, vous l'avez... chez Abraham, lorsque Dieu lui dit de sacrifier son fils, ou encore Samuel, lorsque Dieu l'appelle à son service. Donc, c'est une mise à disposition. Et ce qui est intéressant encore, c'est « Vois, je t'envoie vers eux ». Donc, « Je t'envoie vers eux ». Dans toute la Bible, vous avez un seul texte qui est tout à fait parallèle, c'est Moïse. Lorsque Dieu dit à Moïse, je te vois vers eux, c'est-à-dire vers les Hébreux en Égypte. Donc, est-ce que c'est une sorte de récit de vocation cachée de Joseph? Il est envoyé vers ses frères, quand même un thème important dans l'histoire. Mais si c'est un récit de vocation, c'est un récit de vocation profane, puisque Dieu n'y intervient pas, c'est Jacob qui l'envoie. Maintenant, il faut nous arrêter un tout petit moment à cette histoire de Sichem ou Hébron. Parce que où est-ce qu'il faut imaginer que Jacob habite? Lorsque les frères sortent paître le petit bétail, est-ce qu'il faut imaginer qu'ils ont fait, alors je ne sais pas, 3-4 jours de marche? Parce que Hébron jusqu'à Sichem, vol d'oiseau, environ 75 kilomètres. Alors à pied... 3 jours. Est-ce que Jacob va envoyer son fils à une route de 3 jours? C'est quand même un peu curieux. Donc du coup, peut-être faut pas prendre ça à la lettre. La mention de Hébron est sans doute liée à Genèse 35, puisque Jacob y fait un pèlerinage, et surtout probablement aussi à l'idée qui vient des milieux sacerdotaux qui ont donc révisé l'histoire patriarcale et pour lequel les trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, ils sont tous les trois enterrés à Hébron, c'est-à-dire à Macpéla, dans la grotte de Macpéla qui se trouve à côté de Hébron. Probablement à cause de cela, Jacob fait ou est censé habiter déjà là où il va être enterré dans la suite. On parle encore d'une autre particularité, on parle de la vallée de Hébron. Est-ce que Hébron se situe dans une vallée? Pour ceux qui ont déjà visité, non, plutôt sur une colline. Donc la vallée de Hébron, ce n'est pas la ville même, c'est plutôt la vallée autour, la vallée qu'elle commande, dit Migne déjà en 1812, la vallée qu'elle commande est fertile et produit des oliviers, des vignes, de l'indigo. Donc c'est à partir de cette vallée fertile que Joseph est envoyé et il va rencontrer un homme, un Ish. Un homme qui n'est pas précisé autrement. Qu'est-ce que c'est cet Ish que Joseph rencontre en chemin? Vous pouvez penser à Hagar, lorsqu'elles sont filles de Sarah et elles se perdent un peu dans le désert. Elles rencontrent, mais là c'est clair, elles rencontrent le Malach Adonai, le messager ou l'ange de Yahvé. Alors, est-ce que cet homme sera un messager divin? On ne le saura jamais avec certitude, mais ce n'est pas impossible. Les rabbins ont dit, on répète trois fois Ish, et donc ça montre en fait que c'est le même personnage, puisque Abraham, en Genèse 18, a aussi la visite de trois Anachim, de trois hommes qui sont des représentants de Yahvé. C'est possible. On peut aussi penser à l'histoire de la lutte de Jacob avec un Ish, avec un homme, qui ensuite, dans l'interprétation de Jacob, devient Dieu. Cet homme, il est nécessaire un peu, mais c'est quelqu'un qui le met sur la route, mais une route qui peut être un peu compliquée. Joseph dit à cet homme, parce que quand on se rencontre dans le désert, où vas-tu, d'où viens-tu? Et Joseph lui dit, c'est mes frères que je cherche. De certaine manière, on peut dire, c'est tout le thème de l'histoire de Joseph. Il cherche ses frères. Est-ce qu'il va le retrouver? On le saura plus tard. Alors, la question qu'il pose ensuite, où est-ce que se trouvent les frères qui sont en train de faire paître? Et là, de nouveau, vous savez, en hébreu, on peut toujours jouer au niveau des vocalisations, puisque le participe, si vous n'avez pas la vocalisation, vous pouvez le vocaliser « roïm », et à ce moment-là, ça veut dire en effet « ceux qui font paître », ou vous pouvez aussi le vocaliser « ra'im », et ça veut dire « ceux qui font le mal ». Et puis, évidemment, dès qu'il va être arrivé auprès des frères, c'est eux qui vont faire le mal. Donc, c'est pour cela, c'est aussi une histoire qui prépare un tout petit peu, parce que, rappelez-vous, les textes hébreux, d'abord, ne sont pas vocalisés, donc peut-être, en effet, le premier auteur joue un peu sur cette ambiguïté, ceux qui sont en train de paître, mais c'est aussi ceux qui peuvent faire du mal. Et c'est exactement ce qui revient à la fin de l'histoire de Joseph, lorsqu'il dira, « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu en a voulu faire du bien. » Et donc, c'est une sorte de prolepse qui est peut-être inséré après coup, c'est possible, comparable à un épisode aussi dans l'histoire de Sinoué. Je vous ai déjà parlé de Sinoué, donc un grand classique égyptien, où en fait, Sinoué, lorsqu'il est en fuite, lorsqu'il erre, comme Joseph qui se perd apparemment, là, c'est pas du tout un Joseph souverain, parce que Joseph, ici, dans le désert, il trouve plus son chemin, il se perd, et il doit justement avoir un guide. Et Sinoué, c'est un peu pareil. Il arrive aussi à un endroit où il pense qu'il va mourir. Et puis après, il va rencontrer un chef de Nubiens qui va lui donner de l'eau et qui va aussi donc le traiter comme il faut. Alors, dans l'histoire de Sinoué, cet épisode n'a aucune fonction autre. Donc ce poste-là, certains ont aussi dit, mais pourquoi est-ce qu'on raconte ça? Mais c'est un peu pareil, c'est aussi pour annoncer un thème central, à savoir le secours dont Sinoué pourra bénéficier dans des moments très difficiles. Hein. Comme ici, Joseph qui, en route, se pose la question de sa relation avec les frères qui peuvent se lire à plusieurs niveaux. Autrement, c'est vrai, on pourra passer directement simplement du verset 12 lorsque Jacob lui dit « Va voir tes frères » et puis il arrive. Et puis les frères continuent à réfléchir à ce qu'ils vont faire avec lui. Le Collège de France et France Culture vous présente Thomas Römer, Les songes de Joseph et sa descente en Égypte, Genèse, chapitre 37. Encore un mot sur l'endroit où Joseph doit se rendre. De Sichem à Dothan, ça c'est faisable, hein, c'est, encore que ce n'est pas à côté, c'est 15-20 kilomètres. Une ville assez importante durant l'époque du bronze et du fer, mentionnée une seule fois encore dans la Bible comme étant la ville du prophète Élisée, et après dans Judith comme un lieu de passage de l'armée assyrienne pour envahir donc le territoire de Judée. Alors pourquoi Dothan? Probablement à cause de la suite. Alors, donc Dothan, elle est à côté de cette Via Maris qui donc relie le delta égyptien à la Syrie, et donc probablement on a choisi Dothan parce qu'après il y a les Madianites, les Ismaélites qui vont arriver, donc on s'est dit ils ne peuvent pas passer par Sichem, c'est trop loin, donc on le met à Dothan pour le rapprocher de l'endroit où vont passer les caravanes, et donc c'est exactement ce qui va se passer dans la suite. Donc je vous lis la suite. Ils le virent, donc les frères, de loin. Avant qu'il ne se fût approché d'eux, ils complotèrent contre lui pour le faire mourir. Donc là, nous avons de nouveau la même stratégie, en fait, narrative. On vous dit tout de suite ce que les frères veulent faire, et après, on vous donne les discussions. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le maître des songes. Le voici qu'il arrive. Maintenant, allons, nous allons le tuer et le jeter dans une des citernes. Nous dirons, une bête méchante l'a mangé. Nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Rouben écouta et le délivra de leurs mains. De nouveau, vous voyez, on donne l'information d'abord. Il dit, « Ne tuons pas un être vivant. » Rouben leur dit, « Jetez-le dans cette citerne qui se trouve dans le désert. Mais n'étendez pas la main contre lui. En fait, pour le délivrer de leurs mains et pour le ramener vers son père. » Alors, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils déshabillèrent Joseph de sa tunique, de la tunique longue qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne qui était vide, il n'y avait pas d'eau en elle. Ils s'assirent pour manger, ça c'est curieux. Ils levèrent les yeux et virent une caravane d'Ismaélites était arrivée de Galaad. Leurs chameaux portaient de la gomme adragante, du mastic ou la résine et du ladanum. Ils étaient en route pour descendre en Égypte. Judas dit à ses frères, « Quel profit si nous tuons notre frère et cachons son sang. Allons, vendons-les aux Ismaélites, mais que notre main ne soit pas contre lui, car c'est notre frère, il est notre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Alors passèrent des hommes, des Madianites, des marchands. Ils tirèrent et firent monter Joseph hors de la citerne. Ils vendèrent Joseph aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ils emmenèrent Joseph en Égypte. Ruben revint vers la citerne, et voici, Joseph n'était pas dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Il revint vers ses frères et dit, « L'enfant n'est pas là, et moi, où vais-je ? » Ils prirent la tunique de Joseph et égorgèrent un bouc et trempèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent la tunique et la firent parvenir à leur père. Ils dirent, « Nous avons trouvé cela. Examine. Est-ce la tunique de ton fils ?» ou non. Il examina et dit, « La tunique de mon fils, Une bête méchante l'a mangé, déchiqueté, Joseph a été déchiqueté. Jacob déchira ses vêtements, il mit un sac autour de ses reins, il prit le deuil pour son fils durant de longs jours. Tous ses fils et toutes ses filles se levèrent pour le consoler. Il refusa de se laisser consoler et dit « Oui, je descendrai vers mon fils, en deuil, en Sheol. » Son père le pleura. Quant aux Médianites, donc encore un autre nom, quant aux Médianites, ils l'avaient vendu en direction de l'Égypte à Potiphar, eunuque du Pharaon, chef des gardes. Alors, est-ce que vous avez bien compris ce qui se passe là? C'est difficile. Parce qu'il y a les Madianites, il y a les Ismaélites, il y a Ruben, il y a Judas. Un peu complexe, on y reviendra. D'abord, donc, l'idée de tuer le maître de rêve, donc avec évidemment de nouveau cette prolepse, puisque le narrateur sait plus toujours un peu que les destinataires, et puis donc il les informe du fait qu'il va arriver celui et qu'ils tout de suite disent « on va le tuer ». C'est un peu repris dans les évangiles, dans l'histoire des vignerons. C'est des grands lecteurs de la Bible hébraïque, donc tous ces auteurs des synoptiques, donc c'est en fait repris de cela. Donc Joseph est le Baal des rêves. Donc là aussi, des rêves, ça suppose, par rapport à ce qu'on a discuté tout à l'heure, à savoir que peut-être un des rêves serait un ajout. Non, je ne pense pas, puisque déjà le maître des rêves, ça présuppose plusieurs, soit expert en rêves, champion des rêves, ou encore Baal, ça va être aussi celui qui est le patron, ses rêves de domination. Alors on le met dans la citerne, voilà des citernes, donc des instruments en fait pour récolter de l'eau, qu'on peut aussi fermer avec des pierres pour éviter justement que l'eau s'évapore. Et puis quand on est dedans, tout seul, on ne remonte pas, parce que c'est quand même assez, assez profond. Et ce qui exactement arrive à Joseph, le même terme d'ailleurs, est en effet utilisé plus tard pour parler de la prison. L'idée qu'on peut être jeté pour punition dans une citerne, on le trouve aussi dans un texte égyptien, qui dit à un paysan qui ne peut pas payer ses taxes, on va le jeter dans une citerne. Alors, est-ce que c'est lié? On ne sait pas. Là, il y a plusieurs motivations. C'est un endroit qu'on peut encore visiter aujourd'hui. Donc là, au début du XXe, là, il y a quelques ans, donc le puits de Joseph. Mais comme je vous ai dit, c'est un passage un peu confus. Ça devient plus simple si vous le mettez en deux colonnes. Si vous lisez simplement Ruben écouta et il leur dit « Bon, jetez-le dans la citerne », il le déshabille, il le jette dans la citerne, il s'assoit pour manger. Alors, pendant qu'il mange, les Madianites passent, qui, sans que le frère le sache, tirent Joseph hors de la citerne, et lorsque Ruben revint vers la citerne, il n'était pas là. Donc là, il n'y a pas l'idée de la vente. Si vous prenez la deuxième, vous avez, il est vers les yeux et vire, une caravane d'Ismaélites était arrivée de Galaad, et Judas dit à ses frères qu'elle profite si nous tuons notre frère, donc vendons-le aux Ismaélites, aux Madianites, pardon, non, aux Ismaélites, pense. Et puis, exactement ce qu'ils font. Donc si vous le mettez en deux version, on a deux histoires différentes, c'est-à-dire le premier avec l'idée de Ruben, mettons-le d'abord dans la citerne et il prétend au frère, on va le laisser mourir là, mais avec l'idée d'aller le chercher, et lorsqu'il va le chercher, il n'est plus là parce qu'entre-temps, il y a les Madianites qui sont passés. Si vous prenez la deuxième version, c'est Judas qui, pour sauver la vie de Joseph, propose de le vendre, et il le vend en fait, non pas les Ismaélites, mais les frères eux-mêmes le vendent aux Ismaélites. Donc on pourrait dire, en fait, on a deux versions parallèles que quelqu'un ensuite a mis ensemble. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que tout ce qui concerne Judas, ce discours de Judas a été en fait inséré après coup. C'est-à-dire d'abord, vous avez eu que l'histoire avec Ruben, et après on a eu une relecture avec Judas. À ce moment-là, il faut imaginer que la note sur les Madianites est une sorte de glosse que vous avez eue d'abord à côté, qui voulait dire en fait au lecteur, mais les Madianites, les Ismaélites, c'est la même chose. Donc peut-être en effet, on se dit, mais qu'est-ce que c'est les Ismaélites? Et quelqu'un avait mis d'abord, ça se fait souvent, donc vous prenez un rouleau, vous écrivez, et puis vous laissez toujours un espace, et quelqu'un misait simplement les Madianites des marchands. Et après, un copiste l'a intégré dans le texte. Donc ça veut dire, à l'origine, c'est simplement que notre main ne soit pas contre lui, car il est notre frère, il est notre chair. Ses frères l'écoutèrent, ils tirèrent et firent monter Joseph de la Cithème. Ça veut dire, à l'origine, c'est les frères. C'est les frères qui vont, en effet, Joseph, donc, aux Ismaélites. Donc, c'est une solution, à mon avis, à préférer, car il est difficile de répartir l'ensemble de ce chapitre sur deux documents parallèles. Parce que ça, c'était la théorie traditionnelle. On disait, il y a un document éloïste, il y a un document yaviste, et puis, donc, on aura ensuite mis ensemble les deux documents parallèles. Ça marche éventuellement pour Ruben et Judas, mais pour ce qui se passe avant, déjà avec les deux rêves, c'est compliqué. Donc je pense qu'il y a plutôt une relecture judéenne qui insère en fait Judas. Donc c'est normal qu'à l'origine, c'est Ruben qui intervient, qui est donc le frère aîné, et en tant que frère aîné, il a la responsabilité de l'ensemble de la fratrie, mais apparemment il n'a pas assez d'autorité puisqu'il veut agir par la ruse. Il dit simplement, mettons-le dans la citerne, et les frères peuvent comprendre, bah, on va les laisser en fait mourir là-bas. Et on nous dit, non, mais en fait, c'était pour le chercher après, pour le délivrer. On lui ôte la tunique, donc évidemment aussi pour dégrader quelqu'un, donc jusqu'à aujourd'hui, donc mettre quelqu'un à nu, ben voilà, c'est un acte symbolique qu'on trouve encore dans des contextes de guerre et d'autres violences. Il, évidemment aussi, ôte la tunique parce qu'elle va jouer un rôle important après dans le stratagème, à savoir, on va faire croire au père que le fils a été tué par une bête. Ce qui est intéressant encore ici, c'est que Joseph ne réagit pas du tout. Il n'y a aucune parole de Joseph. Il dit rien. Alors qu'en Genèse 42, lorsque les frères sont dans une situation difficile et ils se disent, voilà pourquoi est-ce que tout ça nous est arrivé, ils disent, bah, nous avons eu tort en ce qui concerne notre frère, car nous avons vu sa détresse quand il nous suppliait. Et nous ne l'avons pas écouté. Donc là, il y a l'idée que Joseph a supplié, ici, dans le récit, ce n'est pas précisé. Joseph reste muet, totalement passif. Et arrive le repas. Quel est le sens de ce repas? Est-ce que c'est simplement, comme dit un commentateur, pour marquer une pause? Pause publicitaire, on passe au repas. Ou est-ce que c'est un acte de frustration? Je pense que c'est un peu plus subtil. Au verset 20, dans le stratagème des frères, ils ont dit, on va dire, une bête féroce l'a mangée, achal. Et puis, les frères s'assoient pour manger achal. Sa même racine. Donc, d'une certaine manière, les frères se substituent déjà à la bête féroce à laquelle ils veulent, en fait, attribuer l'élimination de Joseph. En même temps, le repas, comme vous le savez, il y a toujours aussi un aspect sacrificiel. Les sacrifices, en règle générale, s'accompagnent d'un repas qui, en fait, sert à créer une communauté avec tous ceux qui participent au rituel du sacrifice. Donc les frères sacrifient Joseph et retrouvent d'une certaine manière la cohérence de leur fratrie. Mais, contrairement à René Girard, Joseph ici n'est pas du tout le bouc émissaire. Il n'est pas du tout le bouc émissaire, puisque, en effet, cette descente va pas terminer sa carrière, parce que le bouc émissaire, bah, une fois il est sacrifié, bon, il peut revenir à la vie dans certaines circonstances, mais enfin, l'idée du bouc émissaire, c'est vraiment la mise à mort de quelqu'un, hein, pour, en fait, via cette mort, on trouve une sorte de rédemption. Ça, c'est pas du tout le cas ici. Hein. Joseph n'est pas sacrifié comme bouc émissaire, il va, en fait, en Égypte, faire une carrière importante. Et ce repas aussi, sur le plan de la narration, une autre fonction, parce qu'il prépare déjà un deuxième repas, qui est aussi très curieux, lorsque les frères vont arriver en Égypte, et où Joseph va les inviter à un repas, mais il va manger à part, parce qu'on va nous dire, pour les Égyptiens, c'est une toéva, une abomination de manger avec les Hébreux. Donc il y a deux repas un peu au miroir, l'autre on le verra un peu plus loin. Donc maintenant arrive cette caravane des Ismaélites, donc je vous passe les différents produits, donc qui sont toutes sortes de produits bien attestés aussi par ailleurs, des résines probablement utilisées pour l'embaumement et la momification, mais peut-être aussi pour des usages médicaux et cosmétiques. Ce qui, peut-être pour situer l'histoire de Joseph, est important de dire que le scénario, à savoir que des marchands arabes font du commerce depuis le Galade jusqu'en Égypte, ce n'est pas possible avant l'époque assyrienne. Donc, terminus a quo, à partir de quel ça devient possible, à partir de 700-600. Comme dit aussi l'égyptologue Redfort, un tel commerce est possible entre 600 et 300-200. Donc là, on a en effet déjà notre indication pour situer ce commerce. Aussi, le fait que les Égyptiens, en fait, ne connaissent pas de chameaux, ils ont des dromadaires, mais pas de chameaux, avant donc l'époque néo-assyrienne. D'ailleurs, il n'y a pas de mot en hiéroglyphe pour chameau, il y a juste la translittération du gamal ou du gamel sémitique en égyptien. Et c'est maintenant qu'intervient Judas, qui propose de faire du profit. Alors souvent les commentateurs disent « mais Judas, il est beaucoup plus altruiste que Ruben », mais ce n'est pas vrai. Ce qu'il veut vendre, Joseph. Et qu'est-ce qu'il dit la Torah? Si on trouve un homme qui a volé un de ses frères, un des Israélites, et l'a fait de lui son esclave ou l'a vendu, ce voleur mourra. Donc, par rapport à la loi, il n'est quand même pas tout à fait cachère. Par contre, il dit explicitement, et ça Ruben ne l'a pas dit comme ça, il dit explicitement que Joseph ne doit pas être tué, puisqu'il est notre frère. Ça, c'est d'accord, mais il veut quand même le vendre. Et il le vend à combien? À 20 shekels ou sicles, je reviens là-dessus. Peut-être juste un petit mot sur l'esclavage en Égypte, parce qu'il y a aussi des personnes qui m'ont posé la question. Alors, il ne faut pas imaginer l'esclavage comme on peut imaginer l'esclavage à l'époque romaine ou encore à l'époque moderne. Hein, donc, il y a néanmoins de l'importation d'esclaves, notamment du Levant, et certains de ces esclaves sont appelés, en effet, ceux qui sont liés à vie, donc on peut acheter, vendre, aussi donner en héritage des esclaves. Et c'est seulement à l'époque ptoléméenne, c'est des gens eux-mêmes, comme on le voit aussi dans des textes bibliques, qui, pour des raisons économiques, peuvent se vendre eux-mêmes de manière temporelle ou d'une certaine durée pour servir d'esclaves à quelqu'un. Les esclaves, ce n'est pas forcément ceux qui doivent faire un travail très pénible, parce qu'on a des exemples que certains esclaves ont été éduqués pour devenir des scribes, Hein? Il y a des esclaves même qui peuvent après acquérir une propriété privée. Donc, esclave, c'est quand même aussi parfois simplement un serviteur avec une certaine liberté. Hein? Et dans certains textes, on parle aussi de la libération d'esclaves à Éléphantine, où se trouve donc cette colonie de Judéens. Ben, on voit qu'eux-mêmes pouvaient avoir des esclaves. Et dans un texte un peu plus ancien du deuxième millénaire, dans le papyrus de Brooklyn, on voit qu'un fonctionnaire d'un certain niveau peut quand même posséder plus que 70 esclaves. Donc là, il a 19 esclaves égyptiennes, 14 égyptiennes, 8 hommes et 34 esclaves du Levant, donc les Asiates. Et au IIIe siècle, on voit que c'est surtout des privés aisés qui peuvent posséder des esclaves, qu'avant, apparemment, c'est plutôt la cour et les fonctionnaires de la cour, etc. Donc ça devient un peu différent. Et plus tard, en démotique, même le garçon syrien, l'expression garçon syrien, peut en effet donc désigner simplement un esclave. Donc, ce que je voulais dire avec cela, c'est que la vente de Joseph comme esclave en Égypte reflète donc une pratique bien répandue. Donc, l'arrivée des Madianites, je vous ai dit, c'est sans doute une insertion, puisque dans le récit originel, ce sont les frères eux-mêmes, comme le dit d'ailleurs aussi la récapitulation de l'histoire plus tard, ce sont les frères eux-mêmes qui ont vendu Joseph comme esclave. Les Madianites ont été en fait inséré par un glossateur qui comprenait pas très bien qu'est-ce que c'est les Ismaélites. Vous savez, quand on sait pas quoi, on met un autre mot à côté. Les Ismaélites, oh, c'est les Madianites. C'est-à-dire, en fait, pour ce glossateur, c'est déjà, en fait, c'est tous des Arabes, comme ça, qui traînent là-bas et puis, qui font du commerce. C'est un peu ça l'idée. Et c'est pour cela le texte est devenu un peu confus. Il y a en fait dans la Bible deux discours assez différents sur les Madianites. Soit Moïse et tout son entourage, où c'est l'image très positive, ou alors les Madianites ont les livres des juges contre lesquels on doit faire la guerre. Et puis après, il y a les Madianites, et je pense que c'est comme ici, où les Madianites sont devenus presque un peu comme les Cananéens, c'est-à-dire en fait un mot simplement pour des marchands. Comme en Ésaïe 60, où on a une allusion à des caravanes madianites. Alors, si vous lisez le texte tel qu'il est là, c'est assez curieux parce que, en fait, le texte actuel va introduire une note un peu ironique, puisque, avec ce doublement de ismaélites et madianites, on a l'impression que les frères qui veulent vendre Joseph, ils se font doubler d'une certaine manière par les Madianites qui vont Joseph aux Ismaélites, et donc le profit que Judas veut faire, bah, il ne peut pas le faire. Mais c'est tellement complexe que ce n'est certainement pas l'histoire primitive. L'histoire primitive part donc de l'idée que Joseph est vendu pour 20 sicles d'argent, une somme qui correspond à ce qui est dit en Lévitique 27, donc où on estime la valeur des gens. Donc pour un mâle de 5 à 20 ans, 20 pièces. Et dans un texte égyptien, on a un tarif tout à fait comparable avec deux d'ébène qui est assez proche en fait de 20 sicles. Donc le prix d'un esclave. Le stratagème des frères ensuite, c'est en effet de maintenant le faire passer pour mort. Dans le contexte actuel, maintenant, la découverte du puits vide par Ruben ne fait plus tellement de sens, hein, puisque Joseph est déjà vendu. Mais peu importe, les frères donc mettent en pratique maintenant ce qu'ils ont déjà décidé tout au début, à savoir nous vous allons dire à notre père qu'une bête méchante là, une bête sauvage l'a tué. Et donc, ils l'envoient cette tunique au père. Mais nous dit, mais pourquoi ils envoient? Probablement, l'idée, c'est qu'ils envoient des serviteurs avant avec la tunique pour laisser au père tout le temps de réfléchir. Et d'une certaine manière, les frères disent rien. Ils ne mentent pas. Ils disent pas c'est une bête méchante qu'il a déchirée. Il dit simplement, regarde cette tunique. Et c'est Jacob lui-même qui s'exclame, Tarov, Torav. Donc il a été en fait déchiré. Peut-être une exclamation traditionnelle si quelqu'un a été en effet tué par une bête sauvage. Et donc cela est donc suivi des gestes de deuil qui présente Jacob comme inconsolable. Et là aussi, par rapport à la Genèse, on a quelque chose d'un peu étonnant, puisque tout d'un coup, il y a des filles, alors que dans l'histoire de Jacob, il n'y a qu'une seule fille qui est mentionnée, à savoir Dina. Donc le deuil de Jacob est tellement fort. C'est important parce qu'on va avoir la même chose après lorsqu'il va se séparer de Benjamin. Donc cette idée, en fait, le deuil va durer jusqu'à ce que je descends au Sheol. Hein, Sheol, comme le Hadès, le lieu où vont tous les morts. Et ce n'est pas un lieu d'espoir, il faut y aller. Donc l'idée, je vais retrouver mon fils en Sheol. Certains ont dit, ah oui, il a l'espoir de retrouver son fils. Non, il ne faut pas le lire comme ça. C'est-à-dire, mon deuil va durer jusqu'au Sheol. Et je serai mort comme mon fils, c'est ça. Donc personne n'a envie d'aller à Sheol. Et puis finalement, le verset 36 qui fait la transition avec l'histoire qui vient, avec Madame Potiphar, où en fait, on ne trouve pas les Madianites, on trouve les Médanites. Alors est-ce que là, c'est simplement une faute d'orthographe? Est-ce que c'est quelqu'un qui voulait faire une sorte de fusion entre les Ismaélites et les Madianites, hein? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui voulait encore augmenter la confusion? C'est difficile de savoir. Toujours est-il que cette note que Joseph a été vendu en Égypte prépare, non pas le chapitre suivant, mais le chapitre 39, à savoir l'histoire de Joseph et Madame Potiphar. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps maintenant à parler de cela, mais comme ça a été annoncé, il faut quand même que je commence très brièvement, mais ça va être compliqué parce que si vous prenez l'histoire de Joseph telle qu'elle est maintenant, l'histoire de Madame Potiphar, elle ne suit pas directement, alors qu'elle devait le faire, elle ne suit pas directement le chapitre 37. Hein? On a encore une sorte d'interlude entre 37 et 39, qui est cette histoire très curieuse, Tamar et Judas. Et pourquoi est-ce qu'il a placé cette histoire juste avant 39, peut-être aussi pour créer une opposition entre Judas et Joseph. Judas se laisse séduire tout de suite par Tamar, alors que Joseph va résister aux avances de la femme de l'Égyptien. Et comment il va résister à ses avances, bah, ce sera la semaine prochaine. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Thomas Römer sur l'Égypte et la Bible, les songes de Joseph et sa descente en Égypte, Genèse, chapitre 37, le 10 mars 2016. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations liées à cette diffusion, ainsi que les autres cours de Thomas Römer. Je vous recommande la publication de l'Ancien Testament commenté, la Genèse, sous la direction de Thomas Römer, Albert Depury et Conrad Schmitt. Le 26 octobre prochain chez Bayard, vous y retrouverez l'histoire de Joseph. Réalisation Philippe Baudouin, mixage Philippe Palares, présentation Meryl Meneghetti. Demain, Thomas Römer, l'Égypte et la Bible. Thomas Römer nous présentera Joseph et Madame Potiphar. Belle journée à l'écoute de France Culture.